Hey. Hey. Hey, ça a chié solide chez nous, man. Ma connexion Internet a droppé à une barre d'une shot. Non. Ma blonde, en bas, je suis allé voir sur mon laptop. OK. Puis même mon laptop est déconnecté. Ah. Ça a pris du temps, man, parce qu'il a fallu que je reboot mon Xbox. Après ça, je suis allé voir mon routeur. Je savais pas quoi faire, là. Bien bizarre. Mais, hein? Je sais pas ce qui s'est arrivé là. Pourtant, d'habitude, comme des fois avec Dom, je fais des podcasts de 2 heures et quelques, puis ça bug jamais. Hein. Bizarre. Bon, fallait que ça arrive à soir. Évidemment. Hein? T'as-tu Ça fait. regardé un peu ce qu'on t'a rendu? Moi, ouais, ben, j'ai checké Oh, l'enregistrement. ben oui. Attends, je vais dire Oui, t'es bon. exactement où ce qu'on Non, était. mais mon Ben, moi, je pense intro, que je t'ai avant, rendu, je c'était m'en allais parler de la forge correct. de l'Arconte. À la fin, je dis, ça commence. Ah, ça a buggé. Bah oh, oui. Là, ils peuvent se le permettre parce qu'ils ont l'expérience du premier. Là, tu vois l'importance que ça a. Ça donne comme un. Ok, c'est gros, c'est important. Il y a quelque chose, il y a de l'histoire en arrière de ça. Ouais. Tu connais pas l'histoire, mais il y a une histoire en arrière de ça. C'est ça que tu ressens. Attends, je suis en train de checker exactement ce qu'on était rendu. Pas de problème. Ils sont à encore, mettons, 10 minutes, là. Dans le fenêtre, Ouais. ils me reste, dans le fond, Forge l'Arconte, artefact, ornement. Dans le fond, ça va pas être tellement long. Multijoueur. Petit peu. Juste des nouveautés. Puis j'aimerais ça qu'on donne une petite note. Ouais, ça c'est. Bah oui, t'es. Je Ben oui. pense. Oui, t'es bon. Non, mais. La musique à Juste du l'envers, menu, là. Juste du juste la menu. musique du Ouais. menu. Partez pas le jeu d'émission, pas. Tu peux juste y aller et retourner dans le genre de cimetière de voitures C'est routées. poche, ça a Tu peux comme y bugué en retourner plein milieu de la et montrer les conversation. affaires à débloquer Ouais, ou ça, je suis en autre. train d'écouter, voir ce que l'on était Il y a du rendu. stock partout. Il y a beaucoup de choses qui rappellent le début du jeu, qui vont te faire revivre certains événements que tu as connus à l'époque. Choses qui rappellent le début du jeu, qui vont te faire revivre certains événements que tu as connus à l'époque. C'est pour ça que tantôt on disait c'est important que si vous commencez de collection, comme de faire l'histoire. Comme ça va vous remettre dans le bain. Ah, je suis tout à fait d'accord parce que c'est quand même important. Tu sais, il y a beaucoup. Ok. Où est-ce qu'on était rendu là? C'était. Je venais d'expliquer que c'était important. C'est pour ça que je sais que c'était important de jouer le jeu au complet, connaître l'histoire. Puis elle t'a dit, eh oui, paf, ça a planté. Fait que j'ai pas parlé de la forge de l'Arconte encore. Non, tu t'en allais genre être d'accord avec le fait de ce que j'avais dit. Ok. Puis après ça, ça a coupé. Ben, moi que je coupe le Yui, mais que je fasse le montage. Ouais, non, c'est ça. Ben, tu peux dire aussi. Tu sais, ça, tu peux l'arranger après. Ouais. Puis au pire, si tu veux rajouter quelque chose lors du montage, tu as juste à t'enregistrer. Ouais. Puis le rajouter dans ton montage. Là. Puis tu peux dire, oh, je voulais parler aussi de ce que tu veux, la forge ou Ouais, ben peu j'étais importe. rendu là dans le fond. Attends, Ouais, je veux dire. je vais juste partir l'enregistrement tout de suite Ouais, avant que vas-y. Ouais, ça vas-y. en oublie. Ouais. Ok, mais j'enregistre depuis 4 minutes. Ok, c'est bon. Ok, bon, c'est bon. Fait que je vais continuer avec la. Je vais dire que on peut rendre à la forge. Bon, on va prendre un blanc, puis après ça, tu partiras, dans le fond. C'est bon. Si tu veux bien, on va parler de la Forge de l'Arconte. C'est une nouveauté à l'extension Rise of Iron que je trouve vraiment intéressante. C'est un peu similaire à la Cour d'Oryx qu'on avait dans The Taken King, que moi j'aimais bien. Je pense que Max aussi. Hein? Tu aimais ça, la Cour d'Oryx, c'était cool. Hein? Oui, c'était cool parce que tu pouvais enchaîner les boss, toutes les sbires un après l'autre. Il y avait quand même un bon challenge selon certaines semaines parce que t'avais les runes, c'était les runes des huit qui étaient les plus puissantes. Puis ça, c'était des gros boss, des grosses affaires qui se passaient mais à chaque semaine, ça rebootait. C'était différent. Dans le fond, c'est un boss différent avec un pattern différent. Ça fait que ça, c'était intéressant. Puis justement, là, ils ont créé la Forge de l'Arconte. Vas-y. Ouais, qui est pas mal plus explosif. Faut s'entendre. Il y a de l'action là. C'est, mettons, la cour de Rix, mais x10. Okay? Il y a vraiment de l'action. C'est pas facile. Dans le fond, au lieu d'offrir une rune, on offre une offrande. C'est le même concept, là. Il y a un niveau de difficulté. Plus que tu mets haute, plus que le boss est difficile. Mais je vous le dis, il faut que vous soyez en gang. Seul, la facile, ça va être correct. Mais si, mettons, vous avez une difficile qui est haute en lumière, gardez-la lorsqu'il y a des gens avec vous. Parce que, je vous le dis, c'est très, très difficile. Des fois, on était 4-5, puis on rushait, là. Ben c'est ça, les runes parfaites, en fait, c'est que ça donne des boss niveau 42 qui sont extrêmement puissants. Ils ont toutes des armures lourdes, puis il y en a énormément en même temps. Fait ça fait que ils sont durs à abattre, parce que pour l'instant, on s'entend qu'on est bas niveau. C'est sûr que quand on va avoir fait le raid et tout, puis qu'on va être à 385, 400... Ça va être facile, mais rendu là, pour le moment, quand tu es à 3,50, admettons. Là, ouais, puis tu as des ennemis à 3,60. C'est ça. C'est quand même assez difficile, mais c'est extrêmement payant. Oui. Parce qu'il donne énormément d'engrammes, d'armes, d'armure. Ils ne sont pas toutes puissantes, mais ça va faire augmenter ton nombre de lumens, tes pièces d'armure, tes pièces d'armes. Puis, quand tu finis de tuer un boss avec certaines conditions ou assez rapidement, tu peux gagner des. Comme on expliquait tantôt dans les assauts, tu as des armes de boss. Là, tu peux pogner des armes puis des armures de la forge. Ouais. Qui sont vraiment spécifiques à la forge que tu peux pas pogner nulle part d'autre. Ce qui reste qui est très intéressant encore à grinder. Ouais, puis l'affaire qui est le fun, même si c'est pas toi qui part l'offrande, ben tu peux avoir du loot quand même. Fait que, mettons, moi, j'étais avec Max. Max part l'offrande. Ben, moi aussi, je peux avoir du loot en l'aidant. Fait que ça, c'est cool aussi. Et c'est pas juste le seul qui part l'offrande que le loot. Non, ça. Puis même s'il n'est pas dans ton équipe, tu peux dans ton escouade, dans le fond. Tu peux avoir le loot pareil, même si c'est pas quelqu'un de ton escouade qui l'a parti. Ouais. Contrairement à Cour de Rix, que oui, tu prenais du stock, mais qui n'était pas intéressant. Non, vraiment pas. Si tu voulais pogner du stock intéressant, il fallait que ce soit toi qui l'apporte. Oui, parce que sinon, dans le fond, le cours de Rix, t'avais comme un coffre à la fin. Puis si c'est pas toi qui a parti la rune, mais t'as rien à la fin. Fait que t'as juste le loot. Mais tu peux en pogner pareil. Tu sais, en cours de partie, mais c'était pas intéressant. C'est ça. Tandis que là, peu importe, s'il y a un boss qui est tué, puis qu'il y a une offrande qui t'est destinée, tu vas l'avoir. Ouais. Ça n'a pas d'importance qui le porte tant que tu as fait partie de l'événement. Tu peux avoir du stock. Fait que c'est ça qui est intéressant. Parce que quand tu es bas niveau, tu y vas, tu attends qu'il y ait plein de monde. Puis quand il y a plein de monde, tu rentres dans l'affaire, puis tu y vas. Tu vas pogner du stock, tu vas terminer. Mais, il y a un gros mais. Ouais. Dans la cour de Rix, quand tu mourais, tu pouvais revenir tout de suite sans problème. Maintenant, il te faut des clés spéciales, des clés symbiotiques, je pense, ou quelque chose de même. C'est en plein ça. Puis ça, pour les avoir, tu peux en avoir seulement 10. Puis il faut que tu ailles tuer des ennemis spéciaux dans les contrées infestées. Hein. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est la seule façon de les avoir. Tu les récupères pas en faisant de la forge. Ouais. Dans le fond, quand tu meurs, la porte se referme, dans le fond. T'as comme une porte qui se referme, puis tu peux pas rentrer. Il faut que tu utilises ta clé pour pouvoir rentrer. Sauf que c'est un par équipe. Si vous êtes trois, il y en a rien qu'un qui prend la clé, puis toute l'équipe peut y aller. T'sais, s'il y a deux, trois personnes qui meurent en même temps. Même s'il n'est pas dans ton équipe, c'est quelqu'un d'autre. Dès qu'il y a quelqu'un qui le départ, tu peux y aller. Ouais. Mais tu sais, des fois, il n'y a plus personne qui en a, parce que ça fait 2 heures que t'en fais. Ben, ce qui est important, c'est d'aller ressusciter les, ceux qui sont morts, qui soient de ton équipe ou pas, parce que ça devient un travail d'équipe de, pour pouvoir les gagner. Fait que ça, ça reste que c'est quelque chose de très intéressant aussi, qui apporte un challenge, une certaine stratégie pour le monde, même s'ils sont pas dans ton équipe à toi. Ouais. Puis c'est souvent du monde mélangé, hein? Deux, trois escouades en même temps, un gars tout seul qui arrive. Ouais, non, c'est ça. C'est... Ben moi, je trouve ça cool parce que ça te permet de jouer avec d'autres mondes. Tu sais, des fois, t'es tout seul. Moi, je suis tout seul, je vais aller voir la forge. S'il y a du monde, ben j'y vais. J'essaie de poigner du lot. T'sais. Non, c'est ça. C'est le fun. C'est super relax. Intéressant. Puis les trois deniers marchent aussi. Ouais, ouais, ça c'est important. Trois deniers, dans le fond, pour ceux qui connaissent pas ça, ça augmente le taux de loot. Au boss, ouais, dans le fond. D'engrammes exotiques, il faut très bien spécifier pour les engrammes exotiques. Ouais, c'est ça, les engrammes, dans le fond, c'est supposé d'être les armes les plus fortes du jeu. Là. Je marque supposé, là. Ouais, puis ça ne l'est pas toujours. Non, non, vraiment pas, là. Mais c'est toujours des armes qui sont plus fortes que ce que tu as. Ouais. Fait c'est ça qui te fait monter en lumière. Puis il y a un truc que tout le monde fait en ce moment, c'est que c'est facile de monter au niveau 365 sans prendre d'engrammes exotiques. Fait que ce que tu fais, c'est que quand tu en gagnes, tu les stockes dans ton coffre, puis à la fin, quand tu vas te rendre à 365, pour pouvoir monter, tu les décryptes. Ouais, mais dans le fond, tu décryptes un, tu l'équipes, tu décryptes l'autre pour pouvoir augmenter ton niveau de lumière rapidement. Exactement. Mais ça, c'est des trucs que je veux pas qu'on apprend sur le tour. Ouais, mais c'est des trucs. Puis tu sais, c'est pas tout le monde qui le fait parce qu'il y en a qui sont pas pressés nécessairement de monter niveau maximum. C'est comme nous autres, on le fait, mais je pense qu'on n'est pas si pressé que ça à monter 3,85. Là. Non, ben moi, je vais en profiter de mon jeu. Tu sais, je veux pas en deux semaines m'écœurer à un point que je retoucherai pas pendant un an. Tu sais. Ouais, c'est quand même 40$. Pour une extension, c'est quand même cher pour une extension. Oui, il y a du stock pour 40$. Ça, j'ai pas de trouble avec ça, mais je veux le déguster. T'sais. Le dernier, il a duré un an. On commençait à être tanné à la fin. Ouais. Ouais, il était temps qu'il arrive, Rise of Iron. Là, on était à bout. Mais là, celui-là, il n'y a rien d'autre après. Là. Après ça, non. Ça va être Destiny 2. Puis on sait pas quand il sort. Ils disent ouais. 2017, mais on le sait pas. Fait que ça peut être 2018 aussi, ça dépend comment le. Non, à date, là, c'est du lait automne 2017. Il est supposé de sortir, là, en théorie. En tout cas, j'espère, je me croise les doigts. Ça reste que c'est dans un an. Ouais, ouais c'est exactement dans un an. Fait que. Faut qu'il t'offre un an. Fait que c'est pour ça que je suis pas pressé de le finir. Ça reste que c'est le fun de jouer à tous les jours un petit peu, là. Mais ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est vraiment le jeu d'équipe. Fait que... Ouais. Ben moi, l'affaire que j'aime, c'est surtout le mardi. Parce que le mardi, toutes les activités « reset », quand guillemets, dans le fond, parce que chaque activité donne un loot, dans le fond, de cette activité-là. Ouais. Puis à chaque mardi, ça « reset », puis tu peux recommencer cette activité, puis avoir les récompenses. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun, au moins. Moi, j'ai souvent hâte, je sais pas toi, là, mais moi, j'ai hâte au mardi, puis j'ai comme ma petite routine, si on veut, là. J'ai toujours hâte, comme étant un gros fan de console de salon, les mardis, c'est les meilleurs jours de la semaine, parce que ça se joue sur Microsoft Store ou sur PlayStation Store, c'est tout là que le nouveau stock arrive. Sort! C'est ça. Fait que moi, je suis heureux, c'est ma journée de la semaine. C'est pas le jeudi, le vendredi, le samedi. En tant que gamer, c'est le mardi. Le mardi, c'est le meilleur jour de la semaine. Ah, pareil pour moi. Puis j'ai trois petites choses rapidement pour finir, Max. Oui. Ça fait quand même un petit bout qu'on roule. Ça paraît pas, là. Mais ça fait un petit bout qu'on roule. Puis les artefacts. OK, je veux passer ça vite parce que moi, je pensais que ça serait la révolution de Destiny. Malheureusement, ce l'est pas. Je trouve que les effets sont pas assez prononcés. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, dans le fond, ils ne servent pas à grand-chose, en fait. Non. Dans le fond, je veux rien expliquer aux auditeurs à quoi ça sert. Dans le fond, c'est un artefact. C'est un artefact que tu traînes sur toi. Dans le fond, comme une pièce d'équipement, une pièce d'armure. Il y a des perks spécifiques. Comme, je vais donner des exemples, Sprint Infini. Ça peut retourner les ennemis contre eux. Tu peux avoir un radar plus détaillé. OK, ça, c'est des petits exemples d'artefacts que tu peux avoir. C'est juste que je trouve que ça paraît pas assez quand tu joues. Malheureusement. Non, l'effet est un peu dissipé, je trouve. Tiens, mettons, celui qui court. En fait, c'est pas que tu cours tout le temps, c'est que t'as pas de temps De recharge. de recharge. Fait que tu cours, tu cours, tu cours, t'arrêtes, tu repars tout de suite à courir. Mais le problème, c'est que ça sert pas à grand-chose. Puis encore moins en PVP, parce que t'as pas le temps de courir partout. Les maps, les gens sont assez rapides. Le gameplay est assez nerveux que même si tu cours, ils sont capables de te tuer pareil. Tu peux pas te sauver. Fait que ça sert un peu à rien. Il y en a un qui va venir, qui va bloquer les effets du ce qu'on appelle le taunt. Ah, j'allais celle-là. Bon, celui-là, il va être très pratique parce qu'en PVP, c'est le taunt, c'est un fusil qui empoisonne. Fait qu'il fait des dégâts sur le temps. Mais cet artefact-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il empêche les effets du poison. Fait que le taunt devient inutile Ouais. en fait. Fait que dans le fond, il fait juste les dégâts normaux. Fait que les C'est dégâts ça. continus sont pas là. Puis en passant, ça fonctionne sur les grenades aussi. Parce que toutes les grenades de toutes. Dans le fond, tu as une grenade de feu, une grenade électrique, puis tout ça. Puis tu as des grenades qui font des dégâts sur la durée. Puis ça l'efface quand même. Dans le fond, ces dégâts-là. Fait que Ah, j'avoue c'est ça. peut-être cet artefact-là. J'avoue qu'elle est peut-être. C'est celle que j'utilise le plus. Pour être Non, franc, là. c'est ça. Parce qu'il y en a un autre, ceux qui sont proches de toi, leur super se recharge plus vite. Ça Ouais. paraît pas tant que ça. Non. L'effet il est un peu. Ouais, c'est trop bas comme effet, je Ouais, c'est trouve. ça. J'ai l'impression que ça va être plus pour les raids ou quelque chose comme ça que l'utilité de Ben, de ces effets. l'arène. Tu sais, mettons, quand tu fais de l'arène, la Ouais, c'est prison des ça. vétérans, dans le fond, quand tu as des bonus, quand faut que tu prennes ton spécial plus souvent, ou des choses comme ça. Mais sinon, je ne vois aucune utilité à date, de prendre cet artefact-là. Non, c'est ça. Personnellement, c'est même pas ça que mon personnage est équipé avec. Fait que tu vois l'importance des C'est ça. artefacts. Puis, une autre chose que moi j'adore, par exemple, c'est les ornements. Okay? Ben, j'adore, oui, puis non. Okay? Dans un sens, les ornements, c'est une nouveauté qui change le visuel de ton arme. Et le visuel, je veux juste dire, dans le fond, c'est les couleurs qui changent. Okay? Puis c'est là que Destiny veulent faire leur argent. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Max. Oui. Parce que sont durs à trouver en tabarouette. En fait, ils veulent s'arranger pour que tu veuilles les acheter. Parce que je n'ai un, moi, à date. J'ai joué 2 semaines, vraiment juste à ce jeu-là, puis je n'ai eu un. Ben moi, j'en ai eu plusieurs, mais ce qui arrive, Ah, c'est t'es que chanceux. ouais, mais quand tu fais un tour de cadran, Ouais. tu as trois options. Un colis d'armes, un colis d'armure, parce que ça aussi, c'est nouveau. Tu as trois options à chaque fois que tu fais un tour de cadran d'une faction ou de l'avant-garde ou peu importe. Tu as le colis d'armes, le colis d'armure, puis Le chroma. le colis de chroma. Tu peux en pogner dans des colis de Ah, chroma. je savais même pas. Fait c'est ça qui est un. Tu sais, t'en as pas tout le temps de ces colis-là. Puis souvent, on va préférer recevoir des armes, puis des armures plus puissantes. Qu'une affaire qui va changer la couleur de ton gun, tu Ouais, sais. c'est clair. Parce que t'as aucun contrôle sur ce que tu reçois. C'est aléatoire à chaque fois. Puis si t'as pas le fusil ou tu n'utilises pas le fusil qui est demandé, ben ça te sert absolument à rien. Oui, parce que l'ornement, dans le fond, si C'est mettons, l'esthétique. c'est ça, non, mais c'était l'ornement, mettons, façon, un nom comme ça, je ne connais pas par cœur, mais mettons, cœur de loup, OK, qui change telle arme. Mais tu ne peux pas l'utiliser sur une autre arme. Il faut absolument que ça soit sur cette arme-là. C'est ça. Fait que sinon, soit, mais sauf que tu peux le démanteler, puis ça te donne de la poussière d'argentum. Puis ça, tu peux acheter des ornements avec ça. Mais ça en Sauf que prend ça beaucoup. coûte 25 argentum pour acheter un ornement. Puis cet ornement-là, quand tu le défais, c'est 5, ça t'en donne Ouais, 5. c'est ça. Fait que tu sais, Choisis-le. tu peux acheter de l'argentum pour acheter des ornements. Pour ensuite les défaire pour avoir de la poussière d'argentum, tu sais. C'est une petite passe qui veulent faire de l'argent, mais Moi, ça me dérange pas parce que ça n'affecte pas le gameplay du jeu. Non, c'est pas T'es mal pas obligé cosmétique. d'en mettre. C'est ça, c'est complètement cosmétique. T'es pas obligé d'en mettre d'argent dedans. T'es pas. Tu vas continuer à monter pareil, même si t'as pas ça. Fait que, tu sais, au final, oui, c'est une trappe argent. Ça, c'est définitif. Mais ça dérange pas grand-chose Non, puis moi, ça me au jeu. dérange pas que ça soit long non plus d'en Non. avoir. T'sais, parce que quand j'en ai un, ben, je suis content. Je suis content, puis je l'active. Puis quand moi, je l'ai pas un sur l'épée, il y a une épée exotique que j'ai, puis au lieu d'être or, elle est noire, stylée, tout. Je trouve ça super beau. Là, le prochain, je le pogne dans 2 semaines. Ben, ça sera dans 2 semaines, c'est tout. Moi, je ne mettrai pas ces 2 $ la boîte. Dans le fond, je suis allé vérifier les prix. Ouais, c'est cher. Je trouve que ça vaut pas la peine, sérieusement, là. Ben, dans une boîte, je pense que t'as un ou deux ornements. T'as un ornement. Un ornement, plus je pense qu'il donne de la poussière d'argentum aussi. Ouais, il donne, je pense que c'est 5, puis il donne des bonus d'expérience, dans le fond, pour Ouais, c'est augmenter ça. l'estime de l'avant-garde ou Sûr que tu en gagnes l'épreuve. pareil, même sans ça, parce que Ouais. ces trésors-là, en fait, tu peux en gagner un par semaine en faisant les assauts. Ouais. Les assauts épiques, tu peux en gagner un par semaine. Tu peux en gagner un, je pense, quand tu fais un mode spécial de l'épreuve, mais c'est un par semaine. Fait que tu peux avoir deux par semaine des petites boîtes. Fait que au Ben, c'est final, en masse. C'est c'est. en masse. Ouais, puis tu sais, on n'est pas pressé, hein. Puis vu que c'est juste esthétique, moi, ça me dit souvent, elles sont pas super belles, les couleurs. Non. Franchement, c'est très ordinaire Non, comme j'ai regardé style, le là. Télesto, dans le fond, qui est un. Sont affreuses. Ah, sérieusement, parce que c'est un arbre. Parce que je ris, parce que le personnage principal de Max, c'est un titan. Puis ça, c'est un arme qui est spécifiquement pour le titan. Il y a un ornement, je pense, qui rend l'arme mauve, là. Mais mauve flash, Ouais, ben là. ça, en fait, c'est rose fuchsia, là. Ouais, sérieux, c'est vraiment laid. Non, c'est ça, il est pas beau. T'sais. Puis l'autre couleur est comme bleu turquoise qui allume. Ouais, c'est pas super, Ben, c'est parce que là. le fusil, il tire des balles violettes. Fait qu'à un moment donné, tu ressembles à un arc-en-ciel, là, un tu sais. arc-en-ciel de couleurs. Ben, ça peut faire cool, pareil, tu sais, mais pff, franchement, Telesto, il est plus beau en version Normal. standard. Ouais. Dans le fond, si tu pognes l'ornement, tu vas le démanteler. Tu vois, ouais, c'est ça. Ben, j'en ai pogné, puis j'ai démantelé. Ah, c'est clair. Si tu trouves pas beau, tout Tu ça, sais, c'est c'est comme démantelé. les plus belles, c'est. Celle d'une victime qui a Ah, comme il est vraiment comme beau. tout craqué, puis il y a comme du feu qui sort des cracks. Ça vaut la peine. Puis il y a l'épée aussi exotique qui a la même Ouais, affaire. ouais. Fait que, mais à part ça, les autres sont quand même assez ordinaires, là. Ben, c'est beau, mais je veux dire, c'est pas wow, là. Non, c'est C'est pas pas. quelque chose que je m'attendais à plus. Là. Puis je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'armes qu'il y en ont, tu sais. Ouais, C'est c'est juste limité quand même, hein. certains exotiques. Pas plus que ça, là. J'espère que dans Destiny 2, qu'ils gardent le même concept, mais que toutes les armes en aient. Moi, j'aimerais ça. Tu sais, je veux dire, autant les armes légendaires que les armes exotiques. T'sais, OK, peut-être qu'il y en a qui vont dépenser bien de l'argent, mais c'est leur problème à eux autres. Ouais, mais Moi, ça je vais reste être. esthétique, c'est ça. Ouais, Ça c'est change ça. rien. Il gagnera pas plus. Le gars, il sera pas meilleur, là. Non. Il va Ben non. juste plus flasher, tu sais. Mais je suis sûr qu'il y en a qui n'achètent, c'est sûr, certain. C'est sûr qu'il y a du monde qui achète des boîtes. Ben c'est sûr, certains. S'ils ont installé ça, ils ont fait leur recherche avant, puis ils savaient très Ça bien. marche. C'est ça. Fait que c'est pas. C'est pas une grande addition, mais c'est le fun quand t'en pognes un. Moi, je Non, vois c'est ça de même. ça. Puis mon dernier point, c'est le multijoueur. Le multijoueur. Dans le fond, il y a, dans le fond, je pense, 4 nouvelles maps, si je me trompe pas. 4 nouvelles maps. Puis un nouveau mode qui est Suprématie, que moi, je trouve pas mal le fun. Sérieusement. C'est les joueurs de Call of Duty, vous allez vous reconnaître parce que. C'est comme élimination confirmée. Dans le fond, quand tu tues un ennemi, dans le fond, à la place d'être une médaille, c'est quoi? C'est un engramme genre, qui tombe. Max, c'est comme ça, un engramme qui tombe. Ouais. Puis pour faire des points, il ben, faut que tu ramasses Faut que tu des ramasses, c'est engrammes ça. des ennemis. Puis la première équipe qui tombe à 150, ben, elle gagne la partie. Moi, je trouve ça pas mal le fun. Moi, j'adore ça parce que ça l'empêche les snipers. Ouais. Tu sais, C'est ceux vrai qu'il qui y en se a moins. cachent, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est ceux qui se cachent puis qui font juste tirer pour ramasser. Tu sais, qui se place dans un col, puis que le monde n'a pas le choix de passer par là. Ça l'empêche ça, parce qu'il faut que tu ailles chercher l'engramme si tu veux faire des points. Ouais, fait que c'est ça. C'est vraiment stratégique. Puis aussi, il faut que tu ramasses les engrammes de tes collègues qui sont morts, parce que sinon... Ça donne des points à l'autre équipe. Ça donne des points à l'autre équipe. Mmh. Fait que ça, c'est super important aussi. Ouais. Ben, c'est le seul mode de jeu, par exemple. T'sais, ils ont quand même gardé tous les modes de jeu, dans le fond. Ils n'ont rien enlevé. Ils ont juste ajouté ce mode-là. Tous les anciens sont encore là, qui sont super le fun. T'sais, il y en a pour tous les goûts, là. Sérieusement, c'est vraiment bien fait. Moi, mon préféré, ça doit être le même que moi, là, c'est Domination. Moi, Domination, j'adore ça. Ça a toujours été ça. Ça reste un classique là, d'un FPS. Le Domination, ça reste un classique. Mais moi, dans Destiny, sérieusement, Domination, toutes les maps sont le fun. Oui. Mais tu disais qu'il y avait 4 nouvelles maps. En fait, il y en a 2. OK. Qui sont pour les deux consoles. Mais il y en a 2 de plus pour la version PlayStation. PlayStation, à cause de l'exclusivité. En fait. C'est ça. Bon, c'est correct, on joue sur PlayStation, nous autres. Oui, mais je veux spécifier pour le monde sur Xbox. Correct. Ils n'auront pas nécessairement ces maps-là. Puis ils n'auront jamais non plus. Non, parce qu'ils ont gardé l'exclusivité PlayStation. Il ne faut pas espérer les avoir un jour. Vous ne les aurez pas. Sony a payé pour les avoir. Puis ça finit là. Ouais. Puis en parlant de multijoueur, cette semaine, la bannière de fer. Oui, la première bannière de fer de l'extension est sortie. Avec quelques nouveaux changements. Beaucoup de changements. Si tu veux dire, vas-y. Ah, OK, oui. Ben, dans le fond, moi, la chose qui m'a marqué le plus, c'est que j'étais un peu déstabilisé, sérieusement. C'est que avant, c'était quand même difficile d'avoir du loot, sérieusement. Là. Ouais. Mais là, c'est, ça shit partout. Je sais pas comment dire ça en bon français. Là. Il y en a partout. Ça n'a pas de sens. Ça suinte le gun. Ben, sérieux, là, j'ai joué les 4 premières parties, j'ai pogné 4 légendaires. J'ai pogné 2 légendaires dans la même partie. Sérieux, je sais pas, Bungie, je sais pas s'ils ont eu des plaintes sur le loot, là. Mais là, j'étais même déstabilisé. J'étais comme, OK, là, vous voulez que je monte au niveau 3,85 à soir? Moi, j'ai l'impression que ça va peut-être être juste pour cette bannière-là que ça va avoir beaucoup de loot comme ça, pour justement aider le monde à monter au 3,65 pour aller faire le raid. Ouais. Après ça, ils vont s'ajuster, dans le fond. Ils vont en donner moins. Ah, ça se peut. J'ai l'impression que ça va être ça. Puis les nouvelles armes puis les armures de la bannière sont très belles aussi. Wow. Ils ont de la classe. Sérieux, c'est... Ils ont tous un petit couteau en dessous. Un petit peu de fourrure dessus pour le thème. Ouais, c'est vraiment en style, cuir. Ils ont vraiment de l'air style médiéval. Ouais. Ils sont tous super beaux. Là. Autant le fusion, le fusil automatique, le sniper... Tout y passe, tout est super beau. Puis même les armures aussi. Sérieux, sont vraiment belles. Les armures sont vraiment belles, sont différentes des autres armures. Puis ça fait vraiment plus, ça fait plusieurs fois que je le dis, mais médiéval. C'est beaucoup plus chevalier, un peu plus comme justement le seigneur Saladin. Tu sais, il a l'air d'un chevalier. Ben toi, tu commences à avoir l'air d'un chevalier aussi. Fait que ça fait cool. Le style, il est beau. Ouais. Puis même le casque, moi, c'est celle qui me fait capoter. C'est le casque du titan. Tout un titan, tu vas pouvoir le looter. Ouais, c'est le casque avec les deux cornes. Ouais, tu l'as? Je l'ai looté une couple de fois déjà. Fait penser un peu à Skyrim. Tu sais, le casque de Skyrim. Ouais. Là. Mais il est vraiment, vraiment beau. C'est vraiment, tout est beau dans la banane. Ouais, ça, il y a deux belles cornes qui vont par en bas. Ouais. Il est doré. Non, il est vraiment beau. Les styles, ça donne du style au personnage. Puis, non, c'est très bien. Il y a un nouveau personnage. Ça, c'est un des bugs qu'on se parlait hier, justement. Justement, la bannière de fer, Lord Saladin est supposé être le dernier des chevaliers... survivants, dans le fond. Les derniers survivants des seigneurs de fer. Puis, comme par hasard, il y en a un autre qui arrive... Nowhere, pas de trouble, avec son petit marteau à bijouterie. qui arrive, hey, salut, ça va? Le Saladin dit, hey, je suis content que tu sois pas morte. Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que t'es supposé être le dernier. Hein? Ouais, c'est ça. Ils ont vendu comme l'histoire comme ça au début. C'est un peu mêlant, mettons. J'espère qu'ils vont développer ça parce que pour le moment, ça clash un peu avec. Ça n'a pas rapport vraiment. C'est juste peut-être qu'ils savaient pas comment l'introduire. Mais tu sais, au pire, introduis-les pas comme un seigneur de fer. Non. Ben non. je suis tout à fait d'accord avec toi. Il aurait pu l'introduire comme étant le nouveau disciple de Saladin. Ouais, ça aurait été une bonne idée. Ça, il aurait pu le faire, tu sais, le padawan du seigneur Saladin. T'sais. J'avoue que t'aurais dû appeler Bungie, Max. Donner l'idée. Ouais. T'aurais pas eu une ristourne là-dessus. Pas sûr. Ah non, je suis pas sûr moi non plus. avant de donner la note, parce que sérieux, on a pas mal fait le tour. Là, on a ouais. parlé. On s'est lâché lousse, comme on dit. Là. Pour donner une idée, là, je voulais faire une cinquantaine de minutes, puis on doit être rendu pas loin d'un heure et quart, facile. facile. Ah, j'ai aucune idée combien qu'on est rendu. En tout cas, on s'est lâché lousse, puis c'est correct de même. Avant de donner la note, j'ai une question pour toi. Vas-y, fort. Okay? Je vais y répondre après. Là. C'est quoi ton arme préférée de Destiny? Question difficile. Mon arme hein? préférée, pas tant que ça, parce que c'est une arme de l'an 1, en fait, que j'aime beaucoup. Je m'en doute. C'est une arme légendaire. C'est pas celle que tu penses. Ok. C'est l'Arminus D. C'est une arme automatique, un fusil automatique à cadence extrêmement élevée. Okay. Avec un chargeur de 60 balles puis une stabilité de fer. Et... Fait que cette arme-là est extrêmement rapide. La prise en main est rapide. Il y a énormément de balles qui sortent. L'impact n'est pas énorme, mais vu que tu as 60 balles avec une très bonne stabilité, tu peux faire des headshots extrêmement facilement. C'est une arme... qui te rend quasiment invincible. En PvP... T'as juste à passer 20 balles sur ton chargeur de 60, puis l'autre bord, il est mort. Ah, ça, c'est 20 bon, balles, ça. Ouais. Tes 20 balles, ils sortent en moins d'une seconde. Ah, ça vaut la peine? C'est assez dévastateur. C'est, ouais, c'est destroy ton affaire. Ouais, fait que tu sais, je jouais hier, puis je pouvais tuer trois ennemis, trois autres, avec la même chargeur. Fait que c'est assez violent comme arme. Oui, parce qu'il faut dire habituellement, dans Destiny, souvent tu vides un chargeur sur un gardien, dans le fond, quand tu joues en PvP. C'est ça. Ça en prend énormément des balles. Tu vois, je checkais avec cette arme-là sur Internet, puis tout. Je l'avais déjà eu, puis j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai joué beaucoup avec cette arme-là, mais à un moment donné, je suis tombé sur du Suros. Oui. Le Suros, c'est une arme qui est à cadence variable, qui est avec une stabilité qui est extrêmement élevée. Le problème, c'est la capacité de son chargeur qui était extrêmement basse. Oui, c'est vrai. Mais l'affaire qui était cool, c'est que quand tu zoomes, la cadence est réduite. Oui. Ça, c'était le fun pour la précision. Là, elle est réduite, puis les dégâts augmentent. Ça, c'est super intéressant. Cette arme-là est parfaite pour des assauts ou des affaires comme ça, mais si tu vas en PvP, elle est quasiment inutilisable maintenant. Oui, parce qu'elle n'est pas assez rapide. Non, c'est ça. Parce que les nouvelles armes, maintenant, ils ont une cadence beaucoup plus élevée, une précision très, très accrue, puis des perks qui trouent le cul, en fait. Fait qu'il faut vraiment faire attention. Surtout la nouvelle arme qui est du raid, que le monde loot à 3,90. Oui, le pic infectieux. Le pic infectieux que tu tires, puis il y a des éclats qui revolent. Qui vont attaquer comme un peu comme le Galahorn. Ouais. Ça fait comme plein de mini-grenades un peu partout qui revolent. Fait que, contre cette arme-là, il faut vraiment une arme à cadence élevée. Puis celle que j'ai trouvée, c'est l'arme Minus D, qui est cotée à peu près, je pense, à 9,8 comme compétence d'arme. OK, quand même. Fait que c'est quand même une très bonne arme. Ah, mais moi, j'ai jamais joué avec, Max. Faudrait bien que je m'y mette. Elle est pas belle, par exemple. Tu sais, le look est let. Ouais. Ben, c'est l'efficacité qui compte. c'est ça. Fait que toi, c'est quoi ton arme? Moi, j'en ai deux, OK? Parce que moi, je joue beaucoup en PvP, tu le sais. Là. Et mon arme de PvP fétiche, c'est le multifonction Mida. Une arme exotique. Ouais, une très bonne arme. Sérieux, parce qu'elle a une cadence extrêmement rapide. T'sais, dans le fond, c'est coup par coup, mais elle est rapide et précise. Aussitôt que tu frôles la détente, la balle sort. Fait que c'est une arme rapide pour un fusil d'éclaireur. Puis le radar reste tout le temps actif, même si tu vises. Fait qu'en PVP, c'est super important. Il y en a un autre aussi, un autre arme que moi je préfère, puis que t'as pas, évidemment, c'est les traînes de Malok. Ouais, Les ça, traînes de j'aimerais ça Malok. l'avoir. Ouais. Ça, c'est un autre arme. C'est un impulsion, dans le fond, c'est un three-round burst en anglais, là. Puis, je vais dire, c'est juste, elle fait du dégât magistral. En PVP, c'est une tuerie. Et en PVE, ben, aussi. C'est une Ah, tuerie. c'est une tuerie, cette arme-là. Puis, elle Mais est super belle. faut Sérieux, elle est dire en que écaille les... d'os, là. Elle Ouais. est en écaille de, comme un peu de dragon, là. Elle est vraiment écœurante, là. Faut dire que les fusils à impulsion, la grosse qualité de ces fusils-là, c'est qu'ils ont une cadence extrêmement élevée et ont un impact qui est quand même mid-range, de Ouais. moyenne. Mais avec 3 balles à shot, souvent ils ont une stabilité qui est quand même assez élevée aussi. Ouais. Fait que ça fait énormément de dégâts. T'sais, souvent, c'est 2 coups de gâchette, puis l'ennemi il est mort. Ben en PVP, là, je vais dire les traînes de Malok, là. Trois rafales, puis même pas dans la tête, puis il tombe. Non, c'est ça fait que c'est extrêmement puissant. Fait que tu sais, tu tires dans le chest, admettons, si tu as un petit peu de stabilité, ben ça va monter tranquillement vers la tête, puis C'est fini, c'est fini. Oublie ça ça. tue là. Ça fait que t'as pas besoin de viser la tête absolument. Tu tires en avant de toi, puis ça va pogner l'autre bord, là, puis c'est une très bonne arme. Ouais. Ce Ouais, sont de j'espère que très tu vas bonnes la armes. looter, sérieux. J'espère, parce que je veux que tu l'essayes. Ben, on va Veux tu... travailler là-dessus. Ben ouais, on va t'aider à la poignée. Moi, j'ai pas de trouble, hein. Moi, j'ai en masse de temps pour jouer. C'est clair. Puis au final, finalement, tu sais, on a parlé de pas mal de choses de l'extension. Moi, j'ai une note en tête pour l'extension Rise of Iron. Ok, ben Okay? dis-moi-la pas. Non, je te dis pas, mais il y a Moi, une chose que je veux. Ok, je vais dire vas-y. la mienne. Vas-y. Puis après ça, tu me diras la tienne. On va voir si on est à peu près à la même place. C'est bon. Mais tu Vas-y. voulais dire quelque chose avant que je dise? Non, mais vas-y dans le fond. Ça va être un complément sur ma note, Ok. dans le fond. Faut considérer ça comme une extension et non comme un jeu complet. Fait que pour une extension, avec tout ce que ça apporte, le nouveau monde, les modifications au PVP, les modifications aux assauts, tous les ajouts d'armes, d'armure, les missions, tout, moi je donnerais pas loin d'un 9,5 pour une Oh, extension. quand même. Oui, Quand ben, même une excellente note. c'est une excellente note, mais ça apporte beaucoup aussi. Ouais, Tu je sais, suis d'accord. c'est pas une extension, mettons, à, je sais pas, la Black Ops qui te donne 3 maps PVP pour À 20 20$, là. pièces, là, ça n'a pas de sens. Tu sais, c'est pas ça. Là, t'as 4 maps PVP, t'as des nouveaux assauts, un nouveau monde, Un raid, un nouveau des armes. raid, des nouvelles armes, t'as toutes sortes d'affaires pour 40$. Je trouve que. Puis la qualité est bonne aussi. C'est pas juste du stock lait puis du stock inutile. C'est vraiment. Ils ont tout recalibré le jeu. Je trouve que le 9,5 il va très bien. Ah, je suis quand même d'accord avec ta note. Moi, c'est pas ma note, personnellement, parce que l'an passé, quand j'ai critiqué The Taken King, j'ai donné 9,5 sur 10. Ok. Parce que il révolutionnait le jeu en lui-même. Okay, il est venu comme pogner le jeu, là, puis il a fait d'un jeu ordinaire. Ben, c'est pas vrai. Okay, j'aime pas ça de dire ordinaire. Un jeu correct à un jeu extraordinaire. Je pense que tu es d'accord avec moi, Ouais, Tekken là. King a OK? apporté beaucoup à Destiny. Puis Rise of Iron est dans la même continuité que The Taken King. T'sais, je veux dire, ils sont allés prudents. T'sais, je veux dire, ils n'ont pas changé. Puis un gros point négatif que moi, j'ai moins aimé, c'est la longueur de la quête principale. Parce que, je ne sais pas si tu te souviens, quand on avait fini la quête principale dans The Taken King, ils nous bombardaient de missions Ouais. secondaire. Tu n'avais, je te dis, là, ton journal de quête, tu dis, hey, je vais en avoir pour 6 mois à finir. Ça, il y en a que j'ai encore dans mon journal de quête Ouais, moi il m'en de reste Taken une, là, King. tu sais, c'est ça. Fait que, puis quand tu as fini la quête principale de Rise of Iron, j'ai trouvé que ça manquait. Je pense qu'ils ont voulu, avec le carnet, combler ce vide-là, des quêtes à faire. Mais moi, Ouais. j'aime ça que les quêtes pop dans mon écran. Sauf que pour le DLC des Seigneurs de Fer, Bungie a dit qu'il allait avoir du nouveau stock qui allait sortir au mois de décembre. Puis je pense au mois de aussi février ou mars. Ah. Fait qu'ils n'ont pas fini. Ils vont l'étendre pour étirer la sauce. Comme les courses SRL. Ouais. Les courses de speeder, en fait. Là. Ouais, de passereau. Puis. Les autres vont arriver au mois de décembre. Il y a la fête de l'Halloween aussi qui s'en vient. Il y a la fête de l'Halloween qui s'en vient, mais ça je calcule pas ça dans le DLC. Ouais. C'est juste des fêtes. Puis il y a d'autres missions qui devraient arriver dans le premier quart, dans le fond, 2017. Là. Fait qu'il faut suivre ça pour que... Ouais, c'est ça. Mais même avec Taken King, 2 mois avant la sortie du nouveau DLC, il y avait des nouvelles missions qui apparaissaient. Ouais. C'est vrai. Dans la mise à jour, juste avant le DLC. Fait que, tu sais, Bungie a tendance à rajouter au fur et à mesure, réajuster le jeu, rajouter des nouvelles missions. Fait que, tu sais, là-dessus, ça me dérange pas trop. Il y a quand même beaucoup de stock à faire là, dans Taken King. Ouais. Dans Rise of Iron. Rise of Iron. Ouais. Mais je trouve qu'ils ont plus axé ça sur le grinding plus que dans Taken King. Oui. Je trouve. Mais c'est pas négatif. C'est juste que moi, personnellement, j'aurais aimé mieux de quêtes. Juste un petit peu plus. Non, c'est ça. Ben, si tu check Taken King, t'avais, je pense que c'était. Tu passais de 280 ou 290, c'est le maximum avant Taken King, jusqu'à 335. Ouais. À la fin de Taken King. Là, tu passes de 335 à 400. C'est quand même beaucoup de grinding que tu vas avoir pour la dernière année à faire. C'est clair. Et en plus, tu sais, il y a beaucoup de monde. Tu sais, moi, j'ai 2 personnages. Toi, tu as 3 personnages. Tu sais, si on monte nos 3 personnages, moi, je vais m'en monter un autre. Fait que si on monte nos 3 personnages à 400, on a quand même beaucoup de temps de jeu à faire. Ouais, non, c'est ça. Fait qu'il faut se dire ça. Il y a beaucoup de stock. Ça a de l'air moins parce qu'il y a moins de quêtes, mais il y a énormément de missions. Puis tu vois, il y a des nouvelles missions à chaque semaine. Tu as des nouvelles missions. Oui. Ouais, ben les quêtes, dans le fond, les quêtes, tu parles de patrouille et tout ça. Les quêtes de patrouille. Ouais. Shiro, des fois, qui sort des missions nowhere, qui donne de quoi. T'as toutes sortes de missions qui arrivent. Puis, ok, ben, je savais pas que ça existait, ben, tu le fais. T'sais. Il y a des armes exotiques qu'on savait même pas qu'existaient. Ouais, comme le Coleslaw. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu le sais pas, sérieusement, le Coleslaw donne une idée. Ben, fond, ça peut prendre à peu près 1 heure à avoir. Ouais, mais si tu le sais pas, peut-être tu vas passer si à côté durant toute ton aventure. Là. C'est ça. Mais c'est ça qui est important, de jouer avec du monde. Ça, je vais toujours le répéter. Destiny, ça se joue pas tout seul. Non, c'est le fun en gang. Ça, c'est le fun en gang. Si vous êtes tout seul à jouer, allez sur les sites de Destiny, de fans de Destiny ou peu importe. Destiny Québec. Il y en a plein, il y en a 3-4 pages Facebook. Il y a toujours du monde qui vont être prêts à aider des nouveaux joueurs. Ben ça, c'est une chose que je trouve la communauté quand même bonne de Destiny, sauf pour les raids. Là. T'sais, les raids, ça, c'est une autre affaire. Ouais, parce que le monde sont impatients souvent. Là. Mais je parle, en gros, la communauté est quand même bonne de Destiny. Tout le temps prêts à aider, tout le temps. Tu sais, même s'ils l'ont refait 50 fois, ben ils vont aller t'aider pareil une 51e fois. T'sais, ça, c'est cool. Non, ça, c'est nice. Ouais. Puis je vais te dire ma note. Tu vas peut-être être un peu déçu, mon Max. Non, je pense pas. J'ai confiance en toi. Ouais. Mais moi, je donne un 8 sur 10. C'est pas une mauvaise note. C'est juste que. C'est toujours une question d'appréciation. Fait que je peux pas dire. Je peux pas critiquer. Mais j'aime ça. Mais j'aime ça, sérieusement, j'aime. C'est juste que je l'ai trouvé inférieur point de vue contenu à Taken King. C'est juste pour ça. Puis j'ai manqué un petit manque de nouveauté. Mais en gros, je trouve 8.5. Mais moi, j'ai jamais donné 8. 8, ben, tu sais, 8, c'est quand même 80%. Là. Quand même une bonne note. Oui. C'est un DLC c'est une très bonne note. Mais c'est ça, c'est pour ça que moi, je disais que c'est un DLC. Je le critiquais pas sur... le changement au jeu complet qu'il apportait. Mm-hmm. Tandis que Taken King, c'était pas juste un DLC, en fait, c'était une mise à jour du jeu avec un DLC. Oui. Mais sauf qu'il est vendu le même prix que Taken King, c'est peut-être ça le problème. Oui, non, ça c'est sûr. Mais si il a été vendu 29,99, peut-être que ah, peut-être. C'est différent. Mais ils ont quand même modifié certaines affaires, comme. Excusez-moi. Comme la bannière de fer. Ouais. Tu sais, avant, tu avais des missions à tous les jours. Maintenant, ils te donnent 4 missions pour ta semaine au complet. Ouais. Puis ils sont faciles à faire en passant. Faciles à faire. Mais le reste, faut que tu joues. Faut que tu gagnes des parties. C'est pour faire augmenter ton personnage. Fait que tu sais, pour avoir le rang 5 de la bannière de fer, les 4 contrats, c'est pas assez. Fait qu'il faut que tu fasses tes 4 contrats puis que tu continues à jouer. Fait que c'est ça qui est intéressant parce que sinon, il y en avait qui arrivaient 2 jours avant la fin, paf, ils claquaient tous leurs contrats puis il y avait le rang 5 en moins d'une soirée, tu sais. Ouais, mais avant, parce que ça a changé hein, avec la bannière d'affaires. Parce que dans le fond, avec Taken King, tu avais un accélérateur durant la semaine. Dans le fond, plus que la semaine avançait, puis plus tu faisais d'expérience dans la bannière d'affaires. Ça, ils ont cancellé ça. Ils ont enlevé ça. Ils ont rajouté un petit peu plus d'expérience en moyenne, mais c'est juste plus d'accélérateur. C'est-à-dire que tu fais tout le temps la même expérience tout le long de la semaine. Non, c'est ça. Tu as tant de points pour une victoire, tant de points c'est pour ça. Une défaite. C'est ça. Fait que tu sais, parce que tu vas te rendre pareil. C'est juste que si tu perds tout le temps, au pire, ça te prend 2 fois plus de temps, mais tu vas l'avoir. Tandis que à ça, à l'époque, tu avais un accélérateur. Fait que ce que le monde faisait, ben, il attendait à la fin. À la fin de semaine. Tu sais, mettons, même samedi, dimanche, lundi, fait que ce que ça il faisait, là. Ouais, ce que ça faisait, c'est que tout le monde se ramassait. Il y avait plein de joueurs à la fin de la bannière, mais au début, il n'y avait pas grand monde. Ben, malgré qu'il manque jamais de monde. Non, il manque jamais de monde, mais tu sais, les clans, ils se ramassaient tous à la fin, puis c'était plus le fun à la fin de la semaine. Ah ouais, c'est clair, parce que c'était bondé. Là. C'était bondé, puis c'était du monde qui jouait en team de 6, puis en fait, c'est ça le PVP, là, mais c'était moins le fun à la fin de la semaine. c'était plus dur, on va se dire comme ça. Ben non, c'est carrément moins le fun, parce que le monde y arrivait, puis il était en gang, puis on aurait pu faire la même affaire, mais on n'est pas du monde qui joue 80 heures par semaine non plus. Non, bon, non, c'est ça. Mais non, mais c'est sûr qu'il y en a. Tu sais, quand je regarde du monde qui sont déjà 3,85 en genre 3 jours, là, ils doivent passer 60 heures en 3 jours sur le jeu. Ouais, nous autres, quand on joue 2 heures par jour, 2-3 heures par jour, c'est lui, ouais. Lui, il a fait notre mois en 2 jours. Là. Non, c'est ça. Mais ça n'a pas de sens. Ça. Il va toujours en avoir. Ouais. Tu sais, le monde, ils vont faire ça, puis après ça, ils vont passer à un autre jeu. Là, fait que... Ou bien, ils vont dire, il n'y a rien à faire dans ce jeu-là. Sauf qu'il a passé 100 heures en une semaine et demie sur le jeu. S'il a passé 60 heures en 3 jours, il n'y a rien à faire. Mais c'est parce qu'il a tiré ton 60 heures. Ouais, c'est ça. Bon, ben, Max, je pense. Ah, vas-y, excuse. Non, je voulais pas vas-y. Je voulais juste dire qu'on a fait le tour, je pense, de notre critique de Destiny. Je pense que vous avez compris notre appréciation du jeu. Je suis content qu'on l'ait fait ensemble parce qu'on est deux fanatiques, on peut dire ça comme ça, de Destiny. Ben, on aime vraiment ça. Ça fait un an qu'on joue à tous les soirs quasiment ensemble. Ensemble. Ouais. Puis qu'on n'est pas tanné. C'est bon signe. Ça veut dire qu'on aime ça. Yes. Puis là-dessus, j'aimerais ça qu'on se laisse sur la chanson thème de Rise of Iron, du menu principal, qui est vraiment excellente, sérieusement. Là. Puis je pense qu'on va se laisser là-dessus, mon. Bon, mais c'est good, fait que bonne soirée et bonne semaine. Bonne semaine, bye.